Wamotema, Prezi 36. Classement du top 5 et la chanson de la semaine dans l'émission Ambiance artistique avec Prince Willy. À la cinquième place. À la quatrième place. Kakagezi, Rolly Joe. À la troisième place. Ivyobi no Sadbi featuring Magic Washington. Ivyobi no. Bisazabano. Ikaba mayubera disiwe ugafusa. À la deuxième place. Urambabaza by Fizo. Fizzo baby, masherio, nalingio, dagukunda, ireka niwe wenda na utavyumba, umutima nibitekerezo warabitwaye. À la première place, qui est aussi la chanson de la semaine. You're in the mix with DJ Prince. Désormais, vous pouvez nous aider à faire un classement des 5 chansons les plus aimées du moment. Allez sur notre page Facebook et choisissez la chanson que vous préférez. Vous pouvez également nous envoyer un texto sur 79 402 336. 79 402 336. Petit pays, chante de part. Une feuille et un stylo apaisent mes délires d'insomniaque. Loin dans mon exil, petit pays d'Afrique des Grands Lacs. Remémorer ma vie, naguère avant la guerre. Trimant pour me rappeler mes sensations sans rapatriement. Petit pays, je t'envoie cette carte postale. Ma rose, mon pétale, mon cristal, ma terre natale. Ça fait longtemps, les jardins de...